بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، mes frères, on se retrouve bifadlillahi subhanahu wa ta'ala alayna pour ensemble étudier la parole d'Allah azza wa jal, hein, et étudier la science du tafsir. Et nous sommes arrivés dans surat al-alaq, surat al-alaq. Et nous avions expliqué la dernière fois, lors du dernier cours, les 5 premiers versets. Donc on va continuer bi-idhnillah, et j'espère pouvoir terminer aujourd'hui, insha'Allah, cette sourate. فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. كَلَّا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تَرُدُّ عَلَى عِدَّةِ مَعَانِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ مَعْنَى حَقًّا كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَكَلَّا بِمَعْنَى حَقًّا يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتًا. Donc كَلَّا, on en a déjà parlé je pense dans les sourates précédentes, كَلَّا, ce mot a plusieurs sens dans le Coran, il a plusieurs significations. Et ici, hein, il a le sens de يعني en vérité, d'accord, dans ce verset, c'est-à-dire en vérité, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il l'affirme de façon sûre. Kalla. D'accord? Qu'est-ce qu'il affirme de façon sûre? Innal insana la yatra. Ar-ra'ahu stagna. Yani, al-insanuna laysa shakhsan mu'ayyanan. Bal al-murad al-jins. Donc ici, Allah azza wa jal, il affirme de façon sûre. Kalla. Que quoi? Al-insan, l'être humain. Ici, ce n'est pas une personne en particulier qui est visée. Mais c'est quoi? Al-jins, yani les êtres humains. Yani l'entité être humain, yani l'espèce des êtres humains. Kullu insanin min bani Adam, idha raha nafsahu istarna fa innahu yatra. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla affirme de façon sûre? Que chaque personne, chaque individu, chaque être humain, parmi les descendants de Adam alayhi salam, s'il voit que sa propre personne, hein, elle se suffit, alors il se rebelle. Hein? Yani yatra min at-turyan wa huwa mujazawatul had. Hein? Yatra, ce verbe, hein, vient du mot at-turyan. D'accord? On peut traduire par la rébellion. Pourquoi? Parce que c'est le fait de dépasser la limite. إِذَا رَأَ أَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ طَغَى وَلَمْ يُبَالِي. Si l'être humain, si l'individu, si la personne pense qu'il se suffit à lui-même, qu'il se suffit, qu'il n'a pas besoin de la miséricorde d'Allah, alors il se rebelle. Il s'en fout, comme on dit dans le langage des jeunes. Il ne s'en préoccupe pas. إِذَا رَأَ أَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي كَشْفِ الْكُرُبَاتِ وَحُصُولِ الْمَتْلُوبَاتِ صَارَ لَا يَلْتَفِتِ لَى اللَّهِ وَلَا يُبَالِي. L'être humain, hein, lorsqu'il pense qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin d'Allah Azza wa Jal, dans le fait de l'éloigner des malheurs et dans le fait d'avoir ce qu'il demande, alors il devient, oula, il devient à un point qu'il ne se retourne même pas vers Allah Azza wa Jal. Il ne s'en préoccupe pas. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il se suffit à lui-même. إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض سبحان الله. Ça, je pense que chacun de nous le vit. Si l'être humain, hein, si l'être humain pense, hein, il a la santé, il a pas de problème, il a la santé, il se suffit à lui-même au niveau de la santé, il oublie la maladie. Hein, quand tu es en bonne santé, tu penses même pas à la maladie. Tu ne penses même pas, hein, au moment où, le jour où tu es malade, tu ne penses pas, tu vas tomber malade, etc. وَإِذَا رَأَ أَنَا أُسْتَغْنَى بِالشَّبْعِ نَسِيَ الْجَوْعُ. L'être humain, lorsqu'il pense qu'il se suffit à lui-même, hein, lorsqu'il est bien rassasié, il oublie la faim. Il oublie la faim. F-A-I-M. Hein? Quand tu as à manger à la maison, tu as de la viande chaque jour, du poulet, tu as du poisson, hein, tu as toutes sortes de nourriture à la maison, le frigo est plein, le congélateur est plein, masha'Allah, tabarakallah. Tu oublies qu'il est possible que tu connaisses la faim. Wa idha ra'a anna ustana bil kaswa nasiya al-urya. La personne, lorsqu'elle pense qu'elle se suffit à lui-même, hein, qu'elle a toujours des habits, etc., elle oublie qu'elle peut être dévêtue, et ni qu'elle peut être en manque d'habits, etc., etc., etc. هكذا فالإنسان من تبيعته التغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى. C'est comme ça qu'est l'être humain. L'être humain fait partie, hein, de sa nature, quoi ? La rébellion, yani. Hein? Le fait de désobéir. Parce qu'il se voit, hein, il voit quoi? Il voit qu'il se suffit à lui-même. Hein? Il a besoin de personne, il se suffit à lui-même. ولكن هذا يخرج منه المؤمن. لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين. Mais on sort de cela, on fait une exception de ces êtres humains avec qui? Avec le croyant. Lui, le croyant, il ne pense pas qu'il se suffit à lui-même, il ne pense pas qu'il n'a pas besoin d'Allah Azza wa Jal. Le temps d'un clin d'œil, il ne pense pas à cela, il ne croit pas à cela. فَوَ دَائِمًا مُفْتَقِرٌ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il est toujours, le croyant est toujours dans le besoin d'Allah Azza wa Jal. يَسْأَلُ رَبَّهُ كُلْ حَاجَ. Il demande à son Seigneur tout ce qu'il a besoin, subhanallah, tout ce qu'il a besoin à cet homme. Il demande à Allah Azza wa Jal. وَيَلْجَأُ إِلَيْهِ عِنْدَ كُلِّ مَكْرُوهٍ. Et il se réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal dans toute chose détestable. وَيَرَى أَنَّهُ إِنْ وَكَلَهُ اللَّهِ إِلَى نَفْسِهِ وَكَلَهُ إِلَى الدَّعْفِ وَعَجْزِ وَعُورَةِ. Et il voit, ou il pense, que si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait laissé à lui-même, hein, s'il lui avait délégué tout à sa propre personne, alors il aurait été dans une faiblesse, dans une incapacité de faire toute chose. وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا دَرًّا. Pourquoi ? Parce que il sait qu'il ne possède rien pour sa propre personne qui le bénéficie ou qui le porte préjudice. Parce que tout ça vient de qui ? D'Allah subhanahu wa ta'ala. هَذَا هُوَ الْمُؤْمِنِ. Ainsi est le croyant. Ainsi est le croyant à l'opposé du reste des êtres humains qui pensent se suffire à eux-mêmes, hein, et qui n'ont pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les kuffars. Hein, les kuffars, regardez. Comment ils pensent, comment ils... Hein, ils oublient... Ils ne pensent pas à Allah, ils n'ont pas besoin d'Allah. Ils pensent que tous ces biens qu'ils ont eus, c'est par leur travail. Ils pensent que c'est par leur travail, leurs efforts. Hein? Les enfants, etc., oui, c'est eux qui les ont eus, qui l'ont indiqué. Hein? Ils sont en bonne santé parce qu'ils mangent sainement. Tout ça, ils pensent que ça vient d'eux. Bien sûr, on fait les causes pour avoir toutes ces choses. Mais on sait que nous, en tant que croyants, que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et que sans la volonté d'Allah, sans Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourrait pas avoir ces choses. Mais le kuffar, il croit que non, ça vient de lui. Il croit que c'est à lui. Hein ? لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان. Mais l'être humain, hein, de par sa nature d'être humain, hein, c'est quoi ? C'est la rébellion sur ces choses-là. وهذا كقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Hein ? Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'être humain, hein, l'a pris. A pris quoi ? C'est dans quelle sourate ça ? Al-Ahzab, Ahsant. Où Allah subhanahu wa ta'ala explique, au sens approché, que quoi ? Il a proposé, hein, la responsabilité à qui ? Hein ? Avant les êtres humains ? Aux montagnes. Et aux ? Non, mais aux cieux. Ils ont refusé. Ils ont refusé de prendre cette responsabilité. Mais l'être humain, lui, il a pris cette responsabilité. Hein? Et il était certes un grand injuste et un grand ignorant. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية إن إلى ربك رجعا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné ceci, hein, après avoir mentionné كلا إن الإنسان لا يطغى أرها واستغنى, et certes, hein, l'être humain, hein, se rebelle lorsqu'il voit qu'il se suffit à lui-même, ou lorsqu'il pense qu'il se suffit à lui-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Inna ila rabbika ruj'a. Allah Azza wa Jal, hein, afin, hein, de le prévenir, de l'avertir, ce rebelle, hein, qu'est-ce qu'il lui dit ? Inna ila rabbika ruj'a. Et certes, c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Ay al marji' yani mahma طغيت وعروت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك كفن إلى الله عز وجل. Donc il parle à ce rebelle, hein, que son retour sera vers Allah, quoi qu'il ait fait comme rébellion ou comme exagération, hein, ou comme orgueil qu'il a pu avoir, hein, ou comme le fait de penser qu'il se suffit à lui-même, quoi qu'il arrive, son retour sera vers qui ? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans la fin de sourate Al-Ghashiyah, hein, où il dit, hein, sauf celui qui s'est détourné et qui a mécru, alors Allah subhanahu wa ta'ala le châtira du plus grand des châtiments. Inna ilayna iyabahum. Et c'est vers nous que sera son retour. Thumma inna alayna hisabahum. Et ce sera sur nous, hein, qu'on fera les comptes. Ou ce sera, ça viendra de nous qu'on fera les comptes sur cette personne. Wa idha kana al-marji' ila Allah fi kulli al-umur fa innahu la yumkin li ahad an yafirra min qada'i Allah abada. Subhanallah. Et si on sait, hein, que le retour est vers Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les choses, dans toutes les affaires, alors il n'est pas possible qu'un seul d'entre nous puisse échapper, hein, au décret d'Allah Azza wa Jal. Jamais. وَلَا مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ وَعَدْلِهِ. Et on ne peut pas échapper à la rétribution d'Allah Azza wa Jal et à sa justice. وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجْعَى ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد. Et la parole d'Allah ici, et c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Il est possible, hein, que nous disions, dit ici Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, que cette parole, elle est plus générale, hein, qu'une promesse ou qu'une menace, qu'un avertissement. Mais plutôt, elle englobe les deux. Elle englobe la promesse que vers Allah sera le retour, et aussi elle englobe le quoi ? Le châtiment, la menace. La promesse pour qui ? Pour les croyants, et la menace, l'avertissement pour les mécréants et les hypocrites. وَيَشْمَلْ مَا هُوَ أَعَمْ فَيَكُنَ الْمَعْنَى أَنَّ إِلَى اللَّهِ المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية التحاكم إلى الكتاب والسنة أولا. Et donc il est global. Ce verset, il est global et il englobe hein, la signification que tout retournera à Allah. Dans toute chose, dans toute affaire, on retournera à Allah. Que ça soit hein, dans les affaires religieuses, dans le fait de juger, dans le fait de juger, hein, on retourne à quoi ? Au livre d'Allah Azza wa Jalla, à la Sunna. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ hein? Si vous, hein, si vous divergez ou si vous disputez dans une chose, alors rapportez-la ou ramenez-la à qui? À Allah. C'est-à-dire à quoi? Au Coran. Hein? Il Allah. On la ramène au Coran, cette dispute. Ou ce point de dissension. والرسول et à qui au messager يعني comment expliquer المفسرون من السلف والرسول يعني في حياته وبعد وفاته إلى سنته أحسنت hein? Et ramenez-la au prophète durant sa vie hein? Cette dispute, ce point de discorde que vous avez ensemble, si vous voulez juger, ramenez-la à Allah, c'est-à-dire au Coran كتاب الله et au messager durant sa vie. On va voir le messager, ya Rasulallah, moi j'ai dit ça, lui il a dit ça. Mais lorsque le prophète est mort, on retourne à qui ? À la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment expliquer hein, les exégèses du Coran parmi les pieux prédécesseurs ? Wal umur al-kawniya al-marji' fiha ila Allah. Mais également hein, dans les affaires de l'existence. Le retour, il est vers qui ? Vers Allah. Fala rujou'a lil-abd illa ila Allah. Donc il n'y a pas de retour pour le serviteur, excepté un retour vers qui ? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu al-umur tarji'u ila Allah azza wa jal. Toutes les affaires, toutes les choses retournent vers qui ? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu ma yasha. Allah il fait ce qu'il veut. Hatta ma yahsul. بين الناس من الحروب والفتن والشرور. فإن الله هو الذي قدرها. Même les choses qui se passent entre les gens, parmi les guerres, hein, les troubles, hein, les mots M-A-U-X, le pluriel de mal. Tout ceci, c'est certes Allah subhanahu wa ta'ala qui les a décrétés. لَكِنَّهُ قَدَّرَهَا لِحِكْمَةٍ كَمَا قَالَ Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنَ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ. الله أكبر. والله ce verset il est très important. Très important dans le chapitre de quoi ? Du qadar. Hein? Combien on entend de musulmans qui nous disent non, Allah n'a pas voulu les guerres, Allah n'a pas voulu la famine, Allah n'a pas voulu les meurtres, etc. Regardez ici ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit hein, parce que ces guerres, ces troubles hein, ces maux qui se passent, Allah les a décrétés. Mais Allah les a décrétés pourquoi ? Pour une sagesse. Pour une sagesse que lui seul connaît subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal mentionne dans son livre, sans s'approcher, et si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas combattus. Ou ceux qui étaient après eux n'auraient pas combattu après que al-bayyinat, hein, que la preuve évidente ou les preuves évidentes leur a été parvenue. Mais ils ont divergé. Et certains d'entre eux ont cru, et certains d'entre eux ont mécru. Et si Allah avait voulu, il ne serait pas combattu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Ici, le verset il est clair. Qui prouve que quoi qu'il arrive, rien ne peut se passer dans l'existence, excepté qu'Allah azza wa jalla l'ait voulu. Même si c'est une chose pour nous, hein, faible être humain, avec une intelligence faible, avec une hein, qu'on ne comprend pas que cette chose mauvaise peut se passer. Allah Azza wa Jal, par sa connaissance parfaite, par sa sagesse parfaite, sait pourquoi ceci s'est passé. Hein? Idhan inna ila rabbika ruj'a. Yakunu fiha tahdid li hadha al-insan alladhi tagha hina ra'a nafsahu mustaghniyan an rabbihi. وفيها أيضا ما هو أشمل وأعم وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. Donc pour résumer, إن إلى ربك الرجعة, et certes c'est vers ton Seigneur que sera le retour. يعني ceci est un avertissement pour cette personne, pour l'individu, pour l'être humain qui s'est rebellé lorsqu'il a pensé qu'il était autosuffisant, et que il se suffisait à lui-même et qu'il n'avait pas besoin de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Également, il y a quelque chose qui est plus global et plus général que ceci, c'est-à-dire que le retour est vers Allah dans toutes les affaires. Dans toutes les affaires. ثم قال سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يعني أخبرني عن حال هذا الرجل والتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى ففي الآية ناه ومنهي فالناهي هو الطاغية فالناهي هو طاغية قريش اسمه أبو جهل وكان يلقب في قريش أبا الحكم لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه فاغتر بنفسه ومات على الكفر كما هو معروف وهذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل يعني ضد تسميتهم إياه أبا الحكم وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو العبد. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous dit: as-tu vu celui qui a interdit un serviteur de prier? Ici, c'est-à-dire, informe-moi à propos de la situation de cet homme. Cette situation étonnante de cet homme qui interdit un serviteur de prier. Donc dans ce verset, il y a quelqu'un qui interdit et quelqu'un qui est interdit. En français, c'est un peu dur. Il n'y a pas de mot en français pour traduire. Mais en arabe, bien, ism fa'il wa ism maf'oul. Et celui qui interdit la chose et celui à qui on a interdit. D'accord? Donc celui qui interdit, c'est le rebelle des Quraysh qui s'appelle Abu Jahl. Abu Jahl. Qui a été surnommé par le prophète, comment ? Fir'aun hadi l'umma. Le pharaon de cette umma. Abu Jahl. Et qui avait comme kunya chez les gens de Quraysh, Abu al-Hakam. Il ne s'appelait pas Abu Jahl chez les Quraysh. Il s'appelait Abu al-Hakam. Al-Hakam, ça vient du mot, le fait de juger. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui jugeait entre les gens chez Quraysh. Il revenait vers lui, il revenait vers lui pour leurs différends. Donc ils l'ont appelé Abu al-Hakam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, l'a appelé comment ? Abu Jahl. Abu Jahl. Qui est le contraire de sa kunya originale. D'accord ? Et vous connaissez tous que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une dua au début de l'islam. Il a demandé à Allah azza wa jal de raffermir l'islam avec la conversion d'un de ces deux hommes, Abu Jahl ou Umar ibn Khattab. Et comme aucun de vous n'est censé ignorer, Allah azza wa jal a répondu à la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a guidé qui ? Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'était les deux hommes qui allaient apporter une puissance à l'islam due à leur position, à leur force, etc. Mais Allah a choisi le plus pur d'entre eux, qui est Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc ici, celui qui est interdit, c'est Abu Jahl. Et celui à qui on interdit, c'est qui ? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le abd, abdan, le serviteur ici, c'est qui ? C'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl lui interdit de prier. Abdan ida salla. Abu Jahl qila lahu inna Muhammadan yusalli inda al-Ka'ba amam an-nas. Et là ici le Shir nous rapporte l'histoire de façon résumée comme a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Où Abu Jahl, on lui a rapporté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier devant la Ka'ba. Aux yeux des gens. Remettez-vous dans le contexte. Ici, c'est avant la hijra. D'accord ? Mekka est entre les mains de Quraysh. Et parmi les chefs de Quraysh, Abu Jahl. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, a été envoyé comme prophète et a été persécuté, a été opprimé par son peuple, lui et les croyants qui l'ont suivi. Ils étaient dans une position de faiblesse à ce moment-là. Et le prophète priait devant la Kaaba, devant les gens. يفتن الناس ويسدهم عن أصنامهم وآلهتهم. Donc les gens, ils sont partis voir Abu Jahl. Ils ont dit, il y a Mohammed est devant la Kaaba, il prie devant les gens. Hein? Et il trouble les gens avec son agissement. Et il empêche les gens d'aller voir les idoles, d'aller voir les divinités. فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد نهيتك فلماذا تفعل. شوف الخبيث. Et donc un jour Abu Jahl est passé et le prophète صلى الله عليه وسلم était en prosternation, hein, devant la Kaaba. Et il a interdit le prophète صلى الله عليه وسلم de le faire. Et il a dit, je t'ai certes interdit de faire cela. Pourquoi tu fais ? فانتهرهُ النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي فقال والله لئن رأيته لأتأن عنقه بقدمي ولا عفرن وجهه بالتراب. Et donc il a fait des reproches au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est parti, il est retourné. Et ensuite on est revenu voir Abu Jahl et on lui a dit, celui-ci là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il continue à prier. Alors là, Abu Jahl a dit, par Allah, si je le vois, je vais certes, hein, mettre mon pied sur son cou et y a, hein, aplatir son cou avec mon pied. Hein? Et je vais lui jeter la poussière à son visage. Ou plutôt, je vais rentrer la poussière dans son visage. En français, ils disent poudrer. Hein? Piétiner, mais en fait, ici, le verbe hein, affara, c'est le fait de remplir de poussière. D'accord ? Donc, quand tu mets le pied sur le cou de la personne, et la personne, sa tête sur le sol, son visage est rempli. Hein? Je crois qu'en français ils disent poudré ou là, quelque chose comme ça. Wallahu ta'ala a'lam. فَلَمَّا رَهَوْهُ ذَاتَ يَوْمٍ سَاجِدًا تَحْتَ الْكَعْبَةِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَوَجَدَ بَيْنَهُ خَنْدَقًا مِنَ النَّارِ وَأَهْوَالًا عَظِيمًا. Et un jour donc, lorsqu'il l'a vu prosterné, hein, au pied de la Kaaba, il est parti en sa direction pour faire ce qu'il avait promis de faire, Ani Abu Jahl. Mais, lorsqu'il est arrivé vers lui, il a trouvé devant lui une tranchée de feu, remplie d'affres horribles. Imaginez-vous, mes frères. Il va pour, tu vois, une tranchée de feu qui t'empêche d'atteindre l'homme que tu veux faire du mal. فنقص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il est retourné en arrière et il a été incapable d'atteindre le prophète صلى الله عليه وسلم. Ça c'est un parmi les préjudices nombreux qu'a subi le prophète صلى الله عليه وسلم. Hein? Et les exemples sont très nombreux. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de plus développer. وَهَذَا الْعَبْدُ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى يَتَعَجَّمْ مِنْ حَالِهِ كَيْفَ يَفْعَلْ هَذَا وَلِهَذَا جَاءَ فِي آخِرِ الْآيَاتِ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Donc, hein, ce serviteur qui veut empêcher un autre serviteur de prier, hein, il s'étonne de la situation. Comment il peut faire cela? Et c'est pour ça qu'à la fin, hein, à la fin de la sourate, ou à la fin de ce passage, hein, Allah dit quoi ? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas que Allah le voit ? Wa annahu sayujazihi et qu'il sera rétribué pour ce qu'il a fait. ثم قال سبحانه وتعالى أرأيت إن كان على الهدى يعني أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان هذا الساجد محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى فكيف تنهاه عنه ها et vois-tu ne vois-tu pas أرأيت إن كان ne vois-tu pas que il est sur la guidée c'est-à-dire informe-moi ô toi يعني أبو جهل celui qui empêche hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se prosterner hein, si celui-ci hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sur la guidée comment peux-tu l'empêcher de se prosterner ou amara bit taqwa hein ou qu'il ordonne at taqwa taqwa hein, plusieurs définitions plusieurs traductions en français impossible de traduire avec un mot la piété la crainte hein mais at taqwa hein كما وصفه بعض السلف قالوا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء وترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله خوفان وتخاف عقاب الله. Ça c'est taqwa. Comme l'a défini qui? Talq ibn Habib. Hein, parmi les tabi'in. Talq ibn Habib qui est mort avant la centième année de l'Hégire. Talq ibn Habib qui est né pendant le khalifa de Abi Bakr. As-Siddiq, il a défini la taqwa comme ça. An ta'mal bi ta'ati Allah 'ala an-nur min Allah, hein, raja'an ثواب الله وثواب الله ها وان تجتنب معصيه الله على النور من الله خوفا من عقاب الله c'est-à-dire tu œuvres dans l'obéissance d'Allah sous une lumière d'Allah et avec science hein en espérant la récompense d'Allah et tu t'écartes de la désobéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah et avec science en ayant peur du châtiment d'Allah ça c'est ta quoi trouvez-moi un mot en français bismillah On va rester là des années. Ça n'existe pas. Donc on traduit par la piété, par la crainte, mais c'est faible. Hein? La crainte pieuse, certains ont traduit. Mais la langue, hein, la langue française, hein, malheureusement, ou la langue française hein, est beaucoup plus faible que la langue arabe, donc elle n'est pas possible. Hein, on s'approche du sens. Ce qu'on veut, c'est s'approcher du sens. Mais on ne peut pas avoir le sens véritable. D'où encore l'importance de quoi ? D'apprendre la langue arabe. Hein, l'importance d'un arabe, tu dis taqwa, il comprend. Et ça veut dire quoi hein? C'est direct. Un arabe, un arabophone, on va dire. Pas forcément un arabe, mais un arabophone. Hein, quelqu'un qui connaît la langue arabe. Parce qu'il y a des arabes qui ne connaissent pas la langue arabe. Il y a des arabes, ils ne connaissent pas leur langue. Hein? Et il y a des non-arabes qui connaissent mieux l'arabe que les arabes. Hein, Shir al-Albani, rahimallahu ta'ala, qui n'était pas du tout un arabe, connaissait mieux la langue arabe que beaucoup d'arabes. Et même avant cela, même les grands savants de la langue arabe. Beaucoup d'entre eux ne sont pas arabes. Sibawi, qui est un des plus grands savants de la langue arabe qui existait. Sibawi, il n'est pas arabe. Hein? Et d'autres hein, parmi hein, les grands savants de la langue arabe. El-Muhim. Tayyib. Faqala ba'd al-mufassirin aw una bima'na al-waw. Ya'ni wa amara bit-taqwa. ولكن الصحيح أنها على بابها التنويع يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة أو أمر غيره بالتقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتقوى بلا شك فهو صالح بنفسه مصلح لغيره كلام جميل جدا certains مفسرين Hein, certains exégèses ont dit que Ao, ici, hein, la particule Ao, half Ao, hein, elle veut, normalement elle veut dire ou. Mais eux, ils ont dit ici, ça veut dire et. C'est-à-dire, hein, il est sur la guidée et il ordonne la taqwa. Hein? Mais ce qui est plus juste, qui est plus correct, c'est l'avis des Mufassirin qui disent hein, qu'il est. Ao, il est sur sa base. Yani, c'est quoi ? Ça veut dire où ? Ça veut dire où, yani, c'est-à-dire, est-ce que tu as vu, hein, s'il était sur la guidée, hein, dans le fait qu'il accomplit la prosternation et la prière, ou hein, qu'il ordonne hein, à autre que lui la taqwa. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait la taqwa, sans aucun doute. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était un pieux envers lui-même, et il était réformateur envers les autres. Hein? Ara'aita in kadhaba wa tawalla. Ay in kadhaba an-nahi bil haqq wa tawalla 'an al-amr am yakhafu Allah wa yakhsha 'iqabahu. Rahmakallah. Hein? N'as-tu pas vu hein, celui qui a menti et qui s'est détourné? C'est-à-dire qui, hein, celui qui interdit, c'est-à-dire Abu Jahl. Hein, ouais. Il a menti, il a contredit la vérité. Et il s'est détourné de l'ordre d'Allah. Et donc n'a-t-il pas peur d'Allah et ne craint-il pas son châtiment? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Wallah, mes frères, ce verset, il devrait être constamment dans notre esprit. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas que Allah le voit? Ya'ni yara al-manihi wa huwa sajid Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam al-amir bit-taqwa wa yara hadha al-'abd at-taghiya alladhi yana 'abdan idha salla. Alam ya'lam bi anna Allah yara? يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية فهو سبحانه وتعالى فهو سبحانه يرى كل شيء مهما خفي ودق ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل فيعلم الآمر والناهي ويعلم المصلي والساجد ويعلم من طغى ومن خدع لله عز وجل وسيجازي كل إنسان بعمله. Donc ici Allah, ne sait-il pas que Allah voit, يعني Allah ani il voit hein, celui qui est interdit de se prosterner, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et celui qui ordonne la taqwa. Et il voit aussi hein, ce rebelle hein, qui empêche un serviteur de prier. Donc ici, hein, ne sait-il pas que Allah le voit hein, et Allah subhanahu wa ta'ala le voit avec sa science et avec le regard. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Allah voit par sa connaissance et par sa vue, subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, encore une fois, concernant les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on affirme ce que Allah, azza wa jal, s'est affirmé pour lui-même dans son livre ou sur la langue de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on rejette ce qu'il s'est rejeté pour lui-même ou sur la langue de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans faire de ressemblance, car laïsa kamithli shay, il n'y a rien qui lui ressemble, sans faire d'interprétation, hein, sans changer le sens, sans renier et sans dire comment. Allah voit, c'est vrai. Comment il voit? Allahu a'lam. Est-ce qu'il voit comme nous? Jamais. Jamais. Hein? Et la règle dans ceci, comme on le répète et comme on ne stressera jamais de le répéter, hein, c'est la fameuse parole de qui? De l'imam Malik. L'imam Malik. Lorsqu'il a été questionné sur Al-Istiwa. Qu'a fait l'Istiwa, ya imam? Et l'imam, il s'est mis en colère. Al-Istiwa ma'loum. والإيمان به واجب والكيفية مجهول وسؤال عنه بدعة أخرجوه. Hein, l'imam Malik, quand quelqu'un lui a demandé comment est l'istiwa, hein, le fait de s'établir sur le trône, comment Allah il s'est établi sur son trône, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Malik s'est mis en colère. L'istiwa, c'est connu, yani dans la langue arabe, l'istiwa, le fait de s'établir, c'est connu, on sait c'est quoi. Le fait d'y croire, c'est obligatoire. Comment? C'est inconnu, on ne sait pas. Et le fait de demander, c'est une innovation. Et il a dit, expulsez-le de mon cours. Parce que c'était quoi? C'était quelqu'un qui voulait hein, les troubles. Donc cette parole l'imam Malik, vous pouvez la mettre sur tous les attributs d'Allah Azza wa Jal. Comment est la vision d'Allah? La vision, c'est connu. Le fait d'y croire, c'est obligatoire. Hein? Le fait Comment il voit Allahu a'lam, on ne sait pas. Et le fait de demander, c'est une bid'a. Hein? Taïb. Ensuite, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc voit toutes les choses. Qu'importe qu'elles soient cachées ou qu'elles soient hein, au plus profond des océans, au plus profond, au plus haut du ciel, hein, dans les fins fonds des montagnes, dans les grottes, hein, dans les forêts, Allah sait, ou Allah voit. Naam. Hein, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala voit toutes choses, qu'importe si elle est proche ou elle est éloignée, qu'importe qu'elle soit peu ou qu'elle soit beaucoup, Allah voit tout. Allah, il sait celui qui ordonne et celui qui interdit. Ici, c'est qui ordonne dans le verset? Al-Nabi, il ordonne quoi? Al-Taqwa. Et c'est qui interdit? Abu Jahl. Il interdit quoi? La prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il sait ça. Allah, il sait celui qui prie, celui qui se prosterne. Allah, il sait celui qui se rebelle. Allah sait, hein, celui qui adore Allah Azza wa Jal. Et il rétribuera chaque individu pour les œuvres qu'il aura accomplies. والمقصود من هذا تهديد الذي ينع عبدا إذا صلى وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه وسيجازي كلا منهما بما يستحق. Et donc ici le sens hein, du verset c'est quoi hein, il menace ou il avertit celui qui interdit un serviteur de prier. Et il clarifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de sa situation. Et il a la connaissance de celui à qui il a été interdit. Et il rétribuera chacun d'eux selon ce qu'il mérite. Bien sûr, le prophète mérite Al-Jannah et Fir'aoun Hadil Umma, Abu Jahl mérite l'enfer. Et donc Allah sait tout cela et Allah les rétribuera. فهذا تهديد لهذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, hein, c'est un avertissement, une menace hein, pour cet homme. Je vous rappelle que le Coran, il descend, et Abu Jahl, il entend les paroles. Hein. Donc là, il est averti, il est mis en garde, il est menacé. Hein, que Allah, il sait que cet homme interdit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de prier. Hein. Et donc, ne sait-il pas, cet homme, que Allah azza wa jalla le voit et sait ce qu'il fait, et que Allah subhanahu wa ta'ala hein, a connaissance de toutes choses, et qu'il le rétribuera pour ce qu'il a fait, que ce soit dans la dunya, ou que ce soit dans la dunya et dans l'akhira. Naam. C'est combien de temps l'adhan là? Une minute. Hein? Une minute. Donc... On s'arrête là parce qu'après, on va terminer la dernière partie de la sourate. Je pensais pouvoir terminer. Allahu Akbar, il manque beaucoup. Et on continuera, on finira la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Fajazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.